Exemple. Est-ce que Benjamin va au concert de Zaz? Non, il va au théâtre. A. Est-ce que Paul part à la mer? Non, il part à la montagne. B. Est-ce que Marie va au bar? Non, elle va au restaurant. C. Est-ce qu'ils vont au marché demain? Non, ils vont au supermarché. D. Est-ce qu'elle va à la bibliothèque? Non, elle va à la librairie. E. Est-ce que tes enfants vont au lycée? Non, ils vont à l'université. F. Est-ce qu'il veut aller au théâtre? Non, il veut aller au cinéma. G. Est-ce qu'elle va à l'école? Non, elle va à la garderie. H. Est-ce qu'il est allé au cabinet médical? Non, il est allé à l'hôpital.